Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des frères et des sœurs qui vous ont salué. En particulier, le frère Kaboué, le pasteur de notre assemblée, sœur de Kakanda. Pasteur Kaboué, Omokutano Yetu ya Kakanda. Le frère Shimba, prédicateur de Luena. Duku Shimba, Mubiri Kulwena. Le frère Honoré Mpolo de Kinshasa. Duku Honoré Mpolo à Kinshasa. Serviteur de Dieu. Mutumishi wa Mungu. Le frère Michel, diacre au sud. Duku Michel Shimashi Kuleku Sud. À Pretoria. Ku Pretoria. La sœur Véronique Mujinga. Da Véronique Mujinga. Il y a la sœur, le frère Nkulu Jacques. Duku Nkulu Jacques. Le frère Chibangu, prédicateur de Kinshasa. Duku Chibangu, mobili wa Kinshasa. Il y a le pasteur Kazumba. Pasteur Kazumba. Pasteur Aaron. Pasteur Aaron. Le frère Robert de l'Afrique du Sud. Duku Robert wa Afrique du Sud. Et la sœur Nathalie de Fungurume. Na da Nathalie wa Fungurume. Ils ont tous salué au nom de Jésus-Christ. Lève-nous pour la lecture de la parole. Tout à chez maman, Jackson Manin. Prenons notre livre. Tout à l'heure, il y a Kitabu Yetu. Dans Psaume 119. Zaburi 119. Ni à moi, Kuminatis. Nous allons faire en sorte que c'est que le vendredi qu'il y ait la Sainte Seine. Du vendredi que Sainte Seine. Si on ne termine pas aujourd'hui, nous allons continuer mardi et mercredi. Jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi. On va parler sur quelques instructions sur la Sainte Seine. Et le soir de vendredi. Na mangaribi ya vendredi. Si cela est la volonté du Seigneur. Nous allons célébrer cette cérémonie, cette fête, cette ordonnance. Jo tota tangilia ile mandamano. Dans Psaume 119, Zaburi mia moya kuminatisa. Psaume 119, Zaburi mia moya kuminatisa. Verset 1, mustari yake ya kwanza. Jusqu'au verset 5. Paenda pa mustari yake ya tano. Notre Dieu et notre Père. Mungu wetu na baba yetu. C'est avec crainte et tremblement na kutetemeka, na boka, que nous nous tenons devant ton trône. Shiaba, tunashimama mbele ya kiti chako cha enzi. Nous avons besoin de toi en toutes choses. Tunakuhitaji mu vitu vyote. Viens, Seigneur Jésus, ce matin. Ya asubuhi upate kuja Bwana Yesu. Et parle à nos cœurs. Na useme na mioyo yetu. Utilise-moi comme un simple micro. Ne permets pas que mes propres pensées soient publiées, Seigneur, mais que la parole de Dieu soit annoncée à ton peuple pendant que nous répondons à ces questions. Donne-nous un entendement meilleur et équilibré en toutes choses. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, même ceux qui sont en ligne, que ceux qui sont malades soient guéris. Que tous ceux qui ont des problèmes qu'ils trouvent solution. ceux qui désirent une vie sanctifiée et une délivrance, Seigneur, délivre-les. Bénis la parole que nous avons lue du début à la fin. Soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Psaume 119, dans son verset 1 à 5. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ce voie. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, bien réglées, afin que je garde tes statuts. Regardez le verset 6. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Rougir. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts, tes commandements. Je vais garder tes statuts et ne m'abandonne pas entièrement. Que Dieu ajoute la bénédiction. Je dirai à chacun de vous merci. Pour toutes les questions que vous avez posées. S'il y a une réponse, il y a une question qui n'a pas reçu une réponse satisfaisante, ce n'est pas grave. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur vous éclairera là-dessus. Mais toutes les réponses qui vous ont été données sont au plus mieux de ma connaissance sur la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas toutes choses, mais Dieu connaît toutes choses. À certaines préoccupations qui resteront dans vos cœurs, le Saint-Esprit, le bon enseignant, vous enseignera mieux plus que nous. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, comme je le disais, si je vais terminer. Nous verrons comment le Seigneur va faire les choses. Comment il va conduire ce culte ce matin. Et j'aimerais que vous me prêtiez encore oreille. En répondant à ces questions qui nous ont été posées. Regardez l'écriture que nous venons de lire ici. Dieu dit, tout homme et toute femme qui marche dans ce voie éthérée. Celui qui marche selon la loi, selon la parole de Dieu, et qui garde tous les commandements, et qui les cherche de tout son cœur, cet homme-là, cette femme-là est heureux. Si la parole a été écrite, c'est pour que nous puissions l'observer avec beaucoup de soins, avec beaucoup de rigueur, sans y ajouter et sans y étancher quelque chose. Et Dieu aime que la parole de Dieu, Dieu aime que sa parole soit respectée. C'est pourquoi la prière d'un véritable fils de Dieu, il aura une prière semblable à celle-ci. Puisse mes actions être bien réglées pour que j'observe ta parole. C'est le souci de chaque frère et de chaque sœur. Que Dieu vous bénisse. Je passe directement à la question 85. Un homme appelé de Dieu qui n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance et qui n'a pas encore trouvé la parole de vérité, qui est encore dans une église dénominationnelle, peut-il avoir aussi le sixième sens? Je réponds à cette préoccupation. Non, mon frère. Non, ma sœur. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance ne peut pas avoir le sixième sens. Non, mon frère, non, ma sœur. Le sixième sens appartient uniquement à ceux qui sont nés de nouveau et à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est tout. Même si quelqu'un a un don, pour que le sixième sens s'opère correctement, il faut que cet homme ait une expérience de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. Il y a eu des exceptions. C'est avec les prophètes qui sont les messagers des églises, des âges plus tôt. À moins qu'il soit un prophète, un messager. Dieu a commencé à les utiliser depuis l'enfance. Ça, ce sont des exceptions. À cause de la charge et du ministère que Dieu leur a donné. Mais avoir le sixième sens, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Si Dieu nous permet que nous parlons encore sur la sacrificature, je vous parlerai de ce don du prophète et comment Dieu œuvre à travers ces hommes de Dieu qu'il envoie dans chaque âge pour une mission particulière. 86. Dans la prédication de Frère Branham sur la démonologie, du lundi 8 mars 1953, là où Frère Branham avait prêché qu'il y a deux familles de démons, la famille de démons qui a une forme physique, et la famille de démons sous forme religieuse. Na kundi ya mademona ya kidini. Expliquez cela. Unifasilie koili. On ne saura pas expliquer toutes ces choses, il faut un enseignement. Inafazali mafundisho hatutaweza kufasilia vitu vyote. Il faut tout un enseignement sur la démonologie. Inafai mafundisho yote yule akujifunza mademona. Bien, si vous allez dans les stocks. Kama unenda muduga yetu mule tunakaka mahubiri. Il y a déjà un enseignement sur la démonologie. Uko mafundisho yulu ya mademona. Tu peux prendre ça et écouter sermon par sermon. Na unezu beba ili unanzo shikia mahubiri kisha mahubiri. Vous serez bien éclairé. Na pale njo tapata mwangaza. Je pense que sont des frères ou des sœurs qui sont venus après. Na zania sendi banduku na badala wa kwa tunisha fundisha. Que l'enseignement sur la démonologie soit apporté. Tunisha fundisha yulu ya hili. Alors, allez sur notre Telegram, dans les stocks de prédication, prenez l'entièreté de cet enseignement, vous serez édifié. Mais pour répondre en bref à cette préoccupation, Frère Branham a prêché 3 sermons sur la démonologie. Donc Branham a rubiri ma china tatu yulu ya mademona. Il a différencié. Il a riachanisha. Il y a la démonologie domaine physique. Uko kujifunza kama demon muhali ya mumwili. Qui concerne les démons qui attaquent le corps de l'homme. Ile inangaria ma demon ile nangiaka mumwili ya mtu. Deuxièmement, il y a la démonologie dans le domaine religieux qui concerne les démons qui attaquent l'esprit de l'homme. Et il y a la démonologie esprit séducteur qui concerne les démons qui attaquent l'âme. C'est-à-dire ces démons ont seulement une seule mission. Pour eux, c'est attaquer les âmes des hommes. Et deuxièmement, c'est attaquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est désaltérée, alors l'âme ne peut pas recevoir de vie. Voilà comment se résume l'enseignement sur la démonologie. Il y a des démons qui attaquent seulement le corps. Les autres attaquent l'esprit et les autres attaquent l'âme. Que Dieu vous bénisse. 87. Selon la parole de Dieu, nous croyons que Dieu a donné à la femme 3 vertus. La féminité, la maternité et la virginité. Maintenant, ma question est la suivante. Selon la parole de Dieu, est-il permis à une sœur, lorsqu'elle a perdu sa virginité, d'aller chez le féticheur, aller faire des racines ou quelques médicaments pour la rendre encore vierge? Et une sœur, peut-il faire des médicaments pour rendre à d'autres sœurs vierges? La question est claire. Je réponds, c'est faux. C'est un mensonge du diable. Il n'y a aucun médicament. Akuna dawa ta moya. Il n'y a aucune racine. Akuna mijija ta moya. Qui rende de nouveau les filles des vierges vierges. Il est inarudisha kabubikira bo mwanamuke. Après l'avoir perdu. Kisha kupotesha ubikira yake. C'est Satan qui inspire les filles et les femmes à faire cela. Ce sont des vieilles racontards de nos coutumes et des païens. C'est faux et archi-faux. Même à une sœur de faire cela, c'est faux. Elle prouve seulement que c'est un démon. Et c'est une tromperie de l'ennemi. Non, on va te donner des racines pour rétrécir le vagin. Et cela va te rendre vierge. Ce sont des mensonges du diable. Allez loin de cela. Si une fille a déjà perdu la virginité, qu'elle se repente avant d'aller au mariage. À tout mari. C'est ça la solution juste et correcte. Vous savez, vierge signifie une femme qui n'a jamais été touchée par aucun homme. En termes clairs, une fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Dès que vous avez déjà eu de relation sexuelle avec un homme, tu n'es plus vierge. Même quand on t'épouse vierge, vous n'allez pas demeurer vierge. Votre mari va te dévierger et vous perdrez cette virginité pour toujours. Mais la féminité et la maternité demeurent avec vous jusqu'à la fin de votre séjour terrestre. Ce qui fait une véritable femme, c'est sa maternité et sa féminité. Mais avant d'aller au mariage, elle doit se conserver pure. Il y a des filles qui sont mariées vierges, mais des filles insoumises qui ne sont pas réellement des femmes. Vierge mais sans féminité, vierge mais sans maternité. C'est pourquoi prenez la parole de Dieu dans tout son ensemble. Donc, à celui ou à celui qui ment ou à celle qui ment aux sœurs, qu'on les rend vierges. Faites des racines, buvez ça, mettez ceci dans les vagins. C'est le diable. Il ne faut pas le faire. 88. Est-il permis de se saluer dans l'église? Faites-le dehors. Faites-le chez vous à la maison. Faites-le à la sortie de l'église. Ce serait mieux. On ne peut pas permettre cela dans l'église. Sinon, sera un désordre. Tu n'as pas vu un frère ou une sœur longtemps. Tu la vois devant vous. Vous quittez votre place. Vous venez la saluer. Vous allez rentrer. Tu n'as pas vu un frère. Tu quittes ta place. Ça, c'est dénominationnel. Si chez nous, il y a de l'ordre. Si vous voulez vous saluer, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, faites le dehors. 89. Nous sommes une famille chrétienne. C'est-à-dire, papa, maman, mes frères, mes sœurs. Je voudrais savoir selon la Bible, dans Matthieu 23:9, est-ce que c'est un péché d'appeler mon papa, mes oncles paternels et tous les amis de mon papa comme des pères? Je réponds à cette préoccupation. Non, mon frère. Non, ma sœur. Il n'y a aucun péché d'appeler ton père, tes oncles paternels, les amis de ton père, comme père. Le père de Matthieu 23:9 est un titre sacré qui appartient uniquement à Dieu, qui appartient au Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et invisibles. C'est lui seul qui est le Père de tous les esprits. Et on doit appeler personne sur la terre père. Na pai dunia atoes kuita mtu baba. Non, bien-aimé frère, non, bien-aimé sœur. C'est un titre sacré. Il est ni cheu ni. Vous voyez. Cheu takatif. On doit appeler personne père. Atoes kuita mtu baba. Surtout dans les domaines spirituels. Zaidi mukazi akiro. C'est un titre qui appartient à Dieu. Il est ni cheu ni pray à Mungu. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, dans son verset 6, néanmoins, lakini, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, Baba, de qui viennent toutes choses, et pour qui yake, nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Vous voyez, ce titre-là appartient au Père Jésus-Christ. Vous voyez, ça ne concerne pas nos pères biologiques. Il est ayangari baba baetu akutuzala. Le verset là de Matthieu 23:9. Il est mustari ya Matayo makumi bina tatu mustari ya tisa. Parle du domaine spirituel. Yuna semezia ni kungambo ya kiro. Parle de la divinité. Yuna sema ni juu ya Mungu. Voyez. Munaona. Dans Hébreux chapitre 12. Wa Hebrania 10 na 2. Dans son verset 9. Mustari yake ya tisa. Il ne faut pas confondre les choses. Appelez votre papa et les amis de ton père et tes oncles paternels, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont engendrés, ce n'est pas pour rien que l'Écriture précise selon la chair. Voyez, selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés. Ne devrons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Vous voyez, c'est lui seul qui nous a engendrés par la parole de vérité et par l'esprit de vérité pour que nous soyons enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, c'est par naissance, par engendrement. Dans notre famille, on y naît. Vous voyez, frères et sœurs, c'est par la naissance, dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la famille de Christ, dans laquelle nous sommes tous frères et sœurs. Vous voyez bien, mes frères, quand vous prenez Jean chapitre 1, dans son verset 12 à 13, voilà pourquoi il est notre Père. Parce que nous sommes nés de lui. Nous sommes nés de nouveau de lui, de sa parole et de son esprit. Dans 1 Jean chapitre 1, dans son verset 12, 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez bien, mes frères, nous sommes nés par la volonté de Dieu, par la voix de la parole de vérité, et par la voix de la parole de Dieu. la prédication de l'évangile, l'évangile de notre salut, ça a été apporté, nous l'avons cru, et Dieu nous a engendrés par sa parole. C'est pourquoi il est notre Père. Dans Jacques au chapitre 1, verset 17 à 18, Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendré, le Père nous a engendré selon sa parole, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Le Père, je continue à répondre à la préoccupation, le Père de Matthieu 23, verset 9, signifie Dieu. Le Père là, c'est Dieu. Le Père là, c'est le Saint-Esprit. Le Père là, c'est Elohim. Il n'y a qu'un seul Elohim. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Père. Oui, bien aimé frère, mais appelez votre père biologique comme père, ses frères, ses frères, ses amis, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas ce qui est dit dans Matthieu 23. Est-ce que c'est clair? Merci. Que veut dire pasteur? Que veut dire pasteur? C'est une question. Pasteur, Nous n'entendons question. En d'autres termes, que signifie pasteur? Le pasteur signifie pasteur manayaki, un berger, muchungaji, un gardien du troupeau, celui qui paie les brebis, ule ekonalisha kondo, et qui paie encore d'autres animaux. Na unalisha kondo ingine. Vous voyez, unaona. Un pasteur n'a pas seulement les brebis. Pasteur ana tu paka na kondo apana. Il a aussi des chèvres. Eko na bambuji. Et d'autres. Na banyama bingine. D'autres bêtes. Mais lui se préoccupe des brebis. Mais lakini eo nangaikia zaidi wa kondo. Mais dans son enclos il y a encore d'autres. Mais lakini mule muzizi yake wala mule chumba yako na chunga, mungu na bambuji. Il peut y avoir aussi des chevaux. Unaweza kuwa tena na bangombe. Ce n'est pas un problème. Haina mambo. Mais lui, son attention. Mais lakini yeye angalisho yake zaidi. Il veut beaucoup sur les brebis. Eo nakesha ile wa kondo. Parce que elles sont faibles. Sababu wa kondo ndio beko dhaifu. Donc le pasteur. Sema pasteur. Ne signifie pas autre chose aina, ana maana ingine, qu'un gardien de troupeau, muchungaji wa kondo, et un berger, na muchungaji, et wa celui qui paie les brebis, na ule ekonalisha kondo, et en paissant les brebis, na mukurisha kondo, il paie aussi d'autres animaux. C'est pourquoi dans Jean 21, dans Jean chapitre 21, dans son verset, écrivez cela. Jean 21, verset 15, allez jusqu'au verset 17. Jésus dit ceci. Jean chapitre 21, verset 15, jusqu'à 17. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Et il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Lisha kondo yangu. Il lui dit, une deuxième fois. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Pierre lui répondit. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Il lui dit encore. La troisième fois. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit. Paie mes brebis. Vous voyez, comme Pierre était un berger, alors Dieu, Jésus-Christ, lui a donné cette charge à de paître les brebis du Seigneur. Vous voyez, on paie les brebis du Seigneur avec la parole de Dieu pure, la parole de vérité. Et Dieu vous bénisse. Voilà ce que signifie Jomana berger. Ya muchungaji. Signifie pasteur. Ya jomana pastori. C'est un berger. Ni muchungaji. Le gardien du troupeau. Muchungaji wa kondo. Que Dieu vous bénisse. Il y a une place vide ici. Ce n'est pas la place de la Bible. Enlevez cela. Aina face à Biblia, mtoshe ile. Frère Deborah, mettez-vous mkale pale. Donc, voilà ce que signifie pasteur. Donc, pasteur, c'est un berger, un gardien du troupeau. Celui qui paie les brebis avec la parole de vérité. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est bien compris? 91e question. Y a-t-il un péché d'appeler quelqu'un, un responsable d'une église locale, pasteur, parce que j'ai remarqué que dans le message, les uns acceptent, les autres refusent et appellent cela dénominationnel. Que faire cela maintenant? Ça, et que faire maintenant? La question n'a pas besoin d'être commentée. Je vais dire clairement ceci. Dans cette église, nous avons déjà enseigné sur Matthieu 23:8-9. Dans un message intitulé Mujumbe ile tu kaka, qui est le plus grand parmi nous? Ni nani mkubwa zaidi katikati yetu? Dans ce message, ujumbe, on avait expliqué à l'église des choses en détail. Tout en tenant compte de la Bible. Tout en tenant compte de toutes les déclarations et les enseignements de Frère Branham. Et de toutes les déclarations de Frère Franck. Et dans cet enseignement, on a mis chaque chose à sa place. Pour éviter de la confusion. Une autre question m'avait été posée. J'avais répondu clairement là-dessus. Nilijibua katena wazi wazi yule hili. En termes simples. Mukusema kwa wazi kwa kipesi. Et le frère ou la sœur pose cette question aujourd'hui. Na leo tena nduku wala dada na uliza tena yulizo. Je réponds aussi encore clairement. Minajibu tena wazi wazi. Premièrement. Ya kwanza. En tant que chrétien discipliné. Sawa mukristo wa utaratibu. Nous devons respecter tunapasha kuheshimia la foi, imani et les opinions na kuona de tout homme. Kwa kila mtu. Un chrétien né de nouveau. Mukristo mwenye kuzalikwa mara ya pili. Qui est correctement enseigné. Banesha kumufundisha mzuri mzuri. Et discipliné. Na wa utaratibu. Respectera toujours. Anikalaka mkuheshimia kila la foi de tout homme. Imani ya mtu wote. Et ses opinions. Na namna yake ya kuona vitu. Sans en faire un problème. Bila kufanya hapo mambo. En chrétien libre. Mukristo mwenye kuwa huru. En chrétien libre, faites tout ce que un frère vous demandera de faire pour être en paix avec lui. Quand un frère te dit, je n'aime pas ça, même quand vous parlez avec quelqu'un ou avec une sœur qui te dit non, mishipende ile. Un chrétien correct, même s'il trouvait que ce qu'il disait était juste, comme la partie adverse n'apprécie pas cela, il doit se taire. C'est ça la discipline. Voyez bien mes frères. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je réponds à cette préoccupation. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Dans son verset 15. Verset 13. Verset 13. Je prends le verset là. Verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Ayez beaucoup d'affection pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez beaucoup d'affection pour eux à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Un chrétien est un homme de paix. La Bible dit, lisons cela. Dans Matthieu 5, il est dit, Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui procurent la paix. 9. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si quelqu'un vous dit, ou chinite pour pasteur, ne m'appelez pas pasteur. Et chimia? Ah, respectez cela. Comment vous voulez appeler pasteur? Si vous voulez appeler pasteur, tu es indiscipliné. On en a chima. Parce que Mukumu est au pasteur, il lui appelé pasteur. Tu es en train de lui achoper. Vous voyez, frère. Non, Nandou. Si un homme veut qu'on l'appelle frère, appelez-le frère. Vous êtes frère. Vous êtes Nandou. Si un homme veut qu'on l'appelle pasteur, appelez-le pasteur. Vous êtes Mchungaji. S'il veut qu'on l'appelle ancien, appelez-le ancien. Vous êtes Mzé. Vous voyez, non. Aussi longtemps que cela ne brise pas votre foi, la parole de Dieu. Mwakati yote ile mambo aivunje sauti ya Mungu, aivunje imani yenu. Il n'y a pas un problème. Hapana mambo. Vous voyez, frère. Unaona ndugu. Je dis en termes clairs. Nasema wazi. au sujet de cette question que Frère a posée. Soyez en paix avec tout le monde. Procurez la paix à chaque personne. Qu'il soit un frère, qu'il soit un prédicateur, qu'il soit un berger. S'il veut qu'on l'appelle frère, appelez-le frère. S'il veut qu'on l'appelle pasteur, appelez-le pasteur. Il n'y a pas un problème. Kile sauti ya Mungu inakatala kabisa. C'est que la parole de Dieu nous interdit. Ni kuabudu muntu. C'est adorer une personne. Kile Mungu anakatala kabisa. C'est que Dieu refuse. C'est adorer quelqu'un. Ni kuabudu muntu. Voyez frère. Non, non, non. Dans premier saut. Mu maubiri muri ya kwanza. Premier saut. Muri ya kwanza. Tradition suisse. Kutafsiri kwa Suisse. Dans son paragraphe 272. Munota ya 272. 273. 273. Je peux commencer même au verset 271. C'est Faux Banam qui est allé au Vatican. Je suis allé au Vatican. J'ai vu la triple couronne. Je devais avoir une entrevue avec le pape. Les barons von Blomberg me l'avaient obtenu pour un mercredi après-midi à 15h. Lorsque j'avais été conduit auprès d'un roi, on m'avait alors coupé les revers de mon pantalon. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Pour voir ces rois ici, il faut couper un bout de pantalon. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui interdit qu'on ne puisse pas couper le pantalon pour voir le roi. Mais l'essentiel, que j'aille prêcher la parole de Dieu chez le roi. Vous voyez, parfaitement. Il m'avait dit de ne pas lui tourner le dos en le quittant. Il est très bien. J'ai dit, c'est bon. Que dois-je faire devant ces personnages? Parce que le pape ni muntu mukubwa sur le monde. Il me répondit, entrez simplement. Fléchissez les genoux devant lui et baisez-lui le doigt. Je dis, c'est absolument exclu. J'appellerai n'importe qui un frère s'il veut être un frère. Je l'appellerai révérend s'il veut avoir ce titre. Mais adorer un homme, non. Cela appartient à Jésus-Christ. Aucun homme ne peut prendre cette position. Certes, non. Voyez frère. Voyez sœur. Donc mettez les gens à l'aise. C'est moi qui bats tout. Quelqu'un ne veut pas qu'on lui appelle pasteur. Toi tu l'appelles pasteur. Tu es désordonné. Pas correct. Pourquoi y a quoi une ausawa? Frère, comment vous lui a chopé? Est-ce que quelqu'un veut qu'on lui appelle pasteur? Vous lui appelez pasteur? Parce que Dieu est frère Banam, c'est qu'il est frère Banam. Vous devez savoir que dans la Bible, et j'aime ne me poser plus encore cette question. Retenez une fois pour toutes l'église de Kambour. Retenez une fois que dans la Bible, qui est notre absolu, dans l'église primitive, l'église fondée par le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres s'appelaient simplement par leur nom tout court, sans y ajouter le préfixe frère. J'aime être clair. Dans l'église d'Éphèse, l'église de ces premiers apôtres, ces hommes qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, après le départ du Seigneur, ils s'appelaient par leur nom. Ils n'ajoutaient pas le préfixe frère, comme frère Ngoï, Frère José, Frère Ilunga, Sœur Banza, Banza, Sœur Nathalie, ainsi de suite. Il est préfixe à frère. Il est Nduku. Abakwanza ke kuichi kui ajouté. Et il n'ajoutait pas ça. Rakuita seulement muntu panjina yake, muntu panjina yake, muntu panjina yake. C'est comme ça que dans l'église primitive, on s'appelait. Et c'est comme ça que frère Branham et même frère Franck enseignent. Si vous voulez les citations, il y en a plusieurs. C'est ce qui est juste. Si nous voulons de la rigueur dans les Écritures, par nos propres noms, sans y mettre frère, sans y mettre sœur. Parce que dans la Bible, dans l'église primitive, on s'appelait seulement par leur nom. Et nous sommes retournés à la foi apostolique. La foi apostolique signifie la foi qui vient de la Bible. Le frère n'est pas un nom. Moi, je ne suis pas frère Ngoï. Moi, je suis Ngoï Ndai Pierre. Ma femme n'est pas sœur Annie Masengo. Ma femme, c'est Annie Masengo. Annie Masengo Ngoï. C'est ça son nom. Annie Masengo Ngoï. John Jinaki. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. Est-ce que l'Église est avec moi? Je dis clairement que selon la Bible, on n'ajoutait pas les préfixes frère ou sœur. Apana. Non. Baranza kujita sema. Et il s'appelait Selma Kwanjina. Sur leur nom. 1.13. Vous voulez la Bible? Mapenda Bilia. Si vous voulez écrire. Kampenda Kwandika. J'ai eu tout le temps de parcourir la Bible. J'ai eu tout le temps. Je ne parle pas comme en tâtonnant. J'ai eu tout le temps de parcourir la Bible. À partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, j'ai relevé dans la Bible partout où le nom, où le terme frère se trouve. Vous êtes, tu peux venir voir ça. Je vais Ma caméra y est aussi, ma écriture, tu vois ça. Si vous pouvez zoomer avec vos caméras, mes écritures. Voilà. À partir de Matthieu. Matthieu. Vous voyez? Non. Vous voyez? Partout où les termes frères. Allez, pote, Moussemo Nduku. A été cité. Manetai. On a tout relevé. Oui, tosha, il est et parmi na katikati, où les apôtres s'appelaient. J'ai relevé. Si vous en avez besoin, venez au bureau. J'ai déjà fait ce travail-là. Venez les cas, si vous voulez que je le fasse sous forme de syllabus, voilà, je vais le faire. Donc retenez seulement que dans la Bible, Biblia, et selon même les enseignements de Fobanam, on s'appelait seulement par leur nom impointé. On ne s'appelait pas en y ajoutant le préfixe frère. Non. Comme beaucoup de gens, les citations sont là. On peut tout vivre. Voilà. Troisièmement, je réponds à cette préoccupation. Sur cette question d'appellation, selon ma conviction, que j'ai sur les Écritures, sur le message du temps de la fin, il y a exagération, je pèse mes mots. Il y a exagération, il y a extrémisme, il y a un déséquilibre dans les déclarations de frères. Sur ces problèmes, cette question d'appellation, j'ai déjà entendu beaucoup de choses. J'ai déjà suivi beaucoup de discussions. Sur cette question d'appellation, il y a exagération dans les déclarations. Il y a extrémisme dans les déclarations. Et il y a déséquilibre dans ce que les frères déclarent. Et vous savez, dans la foi, quand vous allez dans l'extrémisme, celui-ci va dans une extrémité, l'autre va dans une extrémité, la vérité pure reste au milieu. Quand il y a extrémisme de deux côtés, sachez que la vérité a été abandonnée au milieu. Vous voyez. Non. Quatrièmement, je réponds toujours à cette préoccupation de la question. Je ne fais jamais de doctrine là où il n'y a pas de doctrine sur base d'une seule déclaration de la Bible. Je dis clairement dans ma conduite, dans ma foi, dans ma charge, la manière dont je fais les choses, dans mes compréhensions, dans la manière de faire des choses, je ne fais pas de doctrine sur base d'une seule déclaration. Même si c'est une déclaration de faux bananes, des frères francs, voilà, ou de la Bible, de la Bible, voilà, Biblia, ou de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, je n'en fais pas une doctrine. Je respecte cette déclaration. Je la laisse là où elle est. Je la prononce comme elle est prononcée. Mais je n'en fais pas une doctrine. Je n'en fais pas un cheval de bataille. Les règles de la parole sont claires. Pour qu'une chose soit établie comme vraie, il faut la déclaration de deux ou de trois témoins. Pas seulement la déclaration d'un seul témoin. Et pourtant, un seul témoin peut dire la vérité. Mais il faut qu'il y ait deux témoins. Et vous qui êtes avec moi, et même aux collaborateurs locaux, vous devez me comprendre comme ça. Je ne fais jamais de doctrine sur les opinions. Je ne fais jamais de doctrine sur une seule déclaration, même si c'est écrit noir sur blanc, de Jésus-Christ, de frère Branham, de frère Frank. Je n'en fais pas une doctrine. Je respecte cette déclaration. Je la laisse là où elle est. Si je peux en parler, j'en parle en passant, mais je n'insiste pas comme si c'était si, c'est comme si toute l'éternité était basée sur ça. Non, bien aimé frère, l'église est avec moi, je peux évoluer. Quatrièmement, et donc cinquièmement, vous voyez, donc comprenez que je ne ferai jamais des doctrines là-dessus. Non. Cinquièmement, je réponds toujours à la préoccupation du frère ou de la sœur. En observant longtemps et en lisant la Bible, le message et les écrits de frère Frank, voilà ce que j'ai remarqué. Frère Branham, dans sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, on l'appelait frère Branham, pasteur Branham, pasteur Branham, monsieur Branham, pasteur tout court. Voilà, pasteur tout court. Révérend Branham. Ah, moi je suis mieux à Branham. Bill. Bill. Ou frère Bill. Voilà, Ndoukou Bill. Bill court. Bill tout. Ou frère Bill. Voilà, Ndoukou Bill. Mais frère Branham aimait. Mais Ndoukou Branham a quoi en appelle ça? Qu'on l'appelle pas son surnom Bill. Bah, moi il a l'air d'une aki Bill. À quoi c'est ingéza? Je reprends. Mina, Nzoulam. Dans les enseignements de frère Branham. Et dans la vie de frère Branham, on l'appelait frère Branham. Il ne refusait pas ça. On l'appelait pasteur Branham. Il ne refusait pas. On l'appelait monsieur Branham. Il acceptait. On l'appelait pasteur Tukou. Il n'en faisait pas un problème. On l'appelait Bill. Il n'en faisait pas un problème. On l'appelait frère Bill. Il n'y avait pas un problème. Ça, c'est dans la conduite de frère Branham. Et dans la conduite de frère Branham, lui aussi, il appelait d'autres bergers locaux comme pasteur. Pasteur tel. Pasteur tel. Révérend tel. Révérend tel. Frère tel, Dukute, les autres les appelaient par leur nom tout court. Frère Branham, dans sa bouche, dans sa conduite, il appelait aussi les frères responsables na ye, ba, Nduku, d'autres assemblées, des fois par leur nom, des fois il les appelait pasteurs, des fois il les appelait frères tels, ou seulement frères, voilà, il les appelait révérends tels, ou pasteurs tels. Voilà, pasteur fulani. Vous voyez, non. Frère Branham dans sa vie, Branham, quand je lisais les Écritures, et je lisais ses écrits. Frère Branham signait toutes ses lettres. Il signait toutes ses lettres. Comme révérend pasteur William Marion Branham. Moi, je suis un pasteur William Marion Branham. Frère Branham, Il signait dans ses lettres mabarua yake anza kutia sahihi comme révérend pasteur mheshimiwa William Marion Branham pastor William Marion Branham toujours frère Branham paka frère Branham sur son permis de conduire pa permis yake ile ya kuruhusiwa était écrit akwasha andika révérend Branham mheshimiwa Branham vous voyez non d'accord je n'ai où chez ma chignasse. Vite, vite, regarde, amène-moi mon sac noir. On était que les sacs mon sac de téléphone noir. Il y a téléphone noir. Donc, je dis clairement ceci. Non, là, c'est ma oise. Frère Branham, le messager, Branham, Ujumbe, n'a jamais fait de problème au sujet de l'appellation. Ashafanyaka mambo, pa imambo kuitana. Il a fait quelques déclarations que j'ai ici. Ali, c'est même, qui semble être contradictoire, mais qu'il faut placer dans son contexte, mais dans sa propre vie, dans sa conduite, on l'appelait comme je l'ai énuméré, il appelait les autres et il n'en faisait pas un problème. Si vous voulez les citations sont là. Parce que je l'ai dit devant Dieu, je ne peux pas vous mentir. Si vous voulez les citations, là où Frère Branham est signé, comme révérend William Marion Branham, comme révérend pasteur William Marion Branham, je vais vous le donner. Si vous voulez, là où il dit que son passeport, son permis de conduire était écrit, vous voyez, révérend pasteur, je vais vous donner ces citations. Vous voyez? Non. Donc, Frère Branham, Branham n'a jamais taxé quelqu'un qui l'a appelé pasteur, dit non, tu as un démon. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait. Frère Branham ne l'a jamais fait. Frère Branham respectait beaucoup les gens. Il ne faisait pas de déclarations pour blesser les sentiments des gens. Il ne faisait pas de Frère Branham était un homme très équilibré. Même devant les gens qui les contrariaient. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Il n'a jamais fait de fausses déclarations. Non, il n'a jamais fait. L'église est avec moi. Pour ce qui est de Frère Franck, dans sa vie, on l'appelait Frère Franck. Sur ses cartes de visite, c'était écrit et se signait Révérend, Pasteur Ewald Franck. Ewald Franck. Vous savez cela? On a joué à il. Sur les cartes de visite de Frère Franck. Par ma carte, il y a quand on visitait Luc Franck, il y a quand on m'en a eu. C'est écrit. Manesha Kwandika Pai. Pasteur. Pastor. Ewald Franck. Ewald Franck. Cette carte de visite de Frère Franck, je l'ai ici. Nous, on a eu à Pai les cartes de visite. Tu peux voir ça? Cette carte, c'est Frère Franck lui-même qui l'avait distribuée Franck, en Zambie. Demandez tous les pasteurs de la Zambie, ils ont cette carte ici. Une carte à visite. C'est écrit comment? Ewald Franck, pasteur. Je vis là. Dans ses écrits, les écrits de Frère Franck. Il signait. Il signait dans toutes ses lettres. Circulaires. Agissant de la part de Dieu. Et du vivant de Frère Franck. On l'appelait parfois. Missionnaire Ewald Franck. Missionnaire Ewald Franck. Même quand il faisait une émission en Côte d'Ivoire. Attends, pendant notre émission en Côte d'Ivoire. Le présentateur là. Où les Aremu Tambulishaka. L'avait présenté comme missionnaire Ewald Frank. Présentant son missionnaire Ewald Frank. Mais frère Frank n'avait pas refusé cela. Nandu Frank a su catala qu'il. Et troisièmement dans la Bible. Nata ton Biblia. Je l'ai déjà dit. Necha iseba. Que tous les chrétiens, Christouote, tous les apôtres, Christouote, s'appelaient par leur nom, Christouote, sans y ajouter un préfixe. Maintenant, suivez-moi très bien. Ah, mounfate mouzou. Il y a une différence entre l'église, entre les charges. Dans l'église du Seigneur et le titre dans les dénominations. Titre ni cheo. Charge ni bujito. Je reprends. Il y a une très grande différence entre les charges katikati ya mauzito dans l'église du Seigneur Jésus-Christ kanisa ya Bwana Yesu et le titre na macheu dans les dénominations zebu. Notez cela. Mwandiki. Le chrétien responsable ba Christo wa madaraka dans les églises locales, kanisa pahali, on reçu du Seigneur Jésus-Christ Yesu, des charges ba, Yesu, mabuzito, pour servir le peuple de Dieu. Kutumikia, taifa ya Mungu, un nom de titre na aina macheu, pour dominer l'église kutawala nao kanisa, et se servir. Na kujitumikia, pana. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, Yesu, les croyants responsables wa à qui le Seigneur a confié la charge de paître le troupeau du Seigneur, buzito akulisha kondo ya dans toutes les assemblées locales, makutano yote ya pahali, Dieu leur a donné des charges Mungu alibapatia mabuzito pour servir juu ya kutumikia le peuple de Dieu taifa ya Mungu. Dans l'église du Seigneur, kanisa Bwana, il n'y a pas de titre pour dominer l'église. Amukarake macheu juu ya kutawala kanisa hapana. Et ceux qui ont reçu des charges, ils sont là, c'est pour servir le peuple de Dieu. Contrairement aux dénominations, les croyants responsables des dénominations sont des propriétaires des églises, benye makanisa, sont des propriétaires, oh, ni benye makanisa, des églises, makanisa, qu'ils ont reçu des hommes, iye baripokia kutokubatu, c'est-à-dire de Satan, kusema Shetan, ils ont reçu des hommes, baripokia kubatu, des titres, macheu, ah. Et des titres honorifiques na macheu ya heshima pour dominer jua kutawala, pour régner jua kutawala, et pour se servir na jua kujitumikia, ils veulent être servis mais napenda baba tumiki. Dans les églises dénominationnelles ou makanisa zebu, ils n'ont jamais reçu de charges, non. Ils ont reçu des titres. Ils se servent. Au lieu de servir. Et pourtant, la devise de notre église, de notre église du Seigneur, se servir. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Mais pas chez les dénominationnels. Voilà la différence. L'Église est avec moi. Dans les dénominations, les responsables sont des propriétaires des églises qui ont reçu des titres. Vous voyez, des hommes, ils dominent, ils règnent. Vous voyez, ils se servent. Les gens sont leurs esclaves. C'est ça la différence. C'est ça vraiment la différence. Et cette pensée-là, je ne sais pas si je vais retrouver cela. Ok, ça y est ici. Dans la réunion Krefeld, mardi 30 décembre 1986, Ewald Frank, il y a une différence entre un homme qui accepte les hommages avec un titre et celui qui est établi par Dieu pour une tâche divine dans l'Église. Je reprends. Il y a une différence entre un homme qui accepte les hommages avec un titre et celui qui est établi par Dieu pour une tâche ou une charge divine dans l'Église. Voilà la différence. L'Église est avec moi. Ça, vous le lirez à la page 8. Réunion de Krefeld. Mardi 30 décembre 1986. Page 8. C'est ce qui crée la différence. Il y a une différence. Voyez, frère. C'est comme moi ici. Pas vu mieux. Il veut bien par exemple Angmenye. Je prends mon exemple. Mingo inda yuyu. Moi ngo inda ici. Moi bote mnesha kunjiu. Vous me connaissez. Mina domine nani? Je domine sur qui? Na nikanisa kanile amba mina domine. Et c'est quelle église que je domine? Je suis un simple individu. Ngo tumutu. Qui s'occupe de cette église de Kambov? Je n'ai aucune valeur. Je n'ai aucun titre. Je ne fais qu'accomplir mon travail. Même les églises qui sont nées par mon ministère, je ne les dirige pas. Il n'y a aucun rapport que je reçois. Je ne reçois ni rapport. Et je ne demande ni aucun rapport. Ce sont des frères. Ils évoluent avec la parole qu'on leur a enseignée. On prie pour eux. S'il faut les visiter, on les visite comme des frères. Un point de trait. Vous voyez. Donc la différence dans l'église du Seigneur, les responsables ont reçu des charges pour servir le peuple de Dieu, tandis que les autres ont reçu des titres pour dominer le peuple. Dans Matthieu 23, que le frère ici a évoqué. Il est un duc à l'état. Verset 8. mustari yake ya munani. Mais vous, lakini mwe, donne-moi la tradition pharaël juste à côté là. Kumpemeni kule mpeko bia kutafsiri kwa pharaël. En kaki. J'aime vous lire pharaël. Mimi napenda nisomee pharaël. Matthieu 23, vite, vite, frère. Araka nduku. Matthieu chapitre 23. Verset 8. Mais vous, lakini mwe, ne vous faites pas appeler Musiache bamite Rabbi. Rabbi. Car Kwan? Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Je vais lire bientôt la tradition pharaël. Que signifie un maître? Un maître est une personne qui exerce l'autorité, son autorité. Mwalimu ni mtu ule anatumikisha mamlaka yake. Ouvrez les oreilles, je réponds à cette question. Ouvrez vos oreilles. Un maître Mwalimu est une personne qui exerce son autorité. Yake. Il exerce sa domination. Il exerce, c'est un propriétaire, un patron, un chef. Na mwenye mamlaka, mwenye bintu. Un maître, ou le maître, Jésus qu'on a sema. Mwalimu yu, mana yake, cela veut dire. C'est un propriétaire. Mwenye mali. Nous ne sommes pas les propriétaires de l'église. Ye, atuna benye kanisa, pana. Aucun n'est propriétaire de l'église. Akuna mtu zamwa ni mwenye kanisa. Nous ne sommes pas des chefs de l'église. Ye, atuna bakubwa kanisa. Le chef de l'église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Kanisa ni bwana wetu Yesu Kristo. Vous voyez, frère, nous ne sommes pas des chefs. Non, bien aimé, frère. C'est lui qui a fondé son église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui le domine. Qui la domine. Vous voyez, frère. Voyez, sœur. Le pasteur ne domine pas l'église. Pastore akalake mkutawala kanisa. C'est pourquoi son autorité. Même quand le message enseigne que le pasteur a une autorité full. Je vais expliquer cela. L'autorité du pasteur, c'est une autorité qu'il exerce par la parole de Dieu. Ce n'est pas son autorité à lui. Le pasteur n'a pas de pouvoir. Il n'a pas d'autorité. Mais comme l'église du Seigneur, dans notre royaume, dans notre famille, c'est une théocratie. Théocratie. C'est-à-dire, Dieu a donné son pouvoir, voyez, à quelqu'un pour conduire les autres. Et cet homme-là, doit conduire pas selon lui. Il doit conduire selon Dieu, selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, de telle manière que ce ne soit pas lui qui conduit, mais que ce soit la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui conduit le peuple. Na Yesu anasema, et Jésus dit, Apana bemuite ba maître, ba propriétaire. Vous n'êtes pas le propriétaire. Vous avez un seul propriétaire. Vous voyez, c'est celui qui est dans les cieux. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. Vous voyez que le maître exerce son autorité. Pas l'autorité de quelqu'un d'autre. Dans l'église du Seigneur, les hommes de Dieu ou les responsables, ils exercent l'autorité divine par la parole de Dieu, par leur autorité. C'est pourquoi le pasteur n'est pas souverain. Comment le pasteur est souverain? C'est un chef. Le souverain de l'église, chef Akalisa, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ. Cette confusion-là ne doit pas exister dans le message. Ne prenez pas l'histoire de le missionnaire pour que nous puissions nous charger, nous, non. L'ordre dans l'église du Seigneur inachana na ordre mukanisa ya mazebu. Et l'ordre dans les dénominations. Mazebu ni matitre. Dénomination, ce sont matières. Mais tandis que mukanisa ya Yesu ni bujito. Ce sont des charges. Vous voyez, frère. Regardez dans Matthieu, selon Pharaël. Fatana na Pharaël, Matayo makumi biratatu. La même écriture. Andiko le mamwa. Il dit ceci. Ne laissez personne vous appeler maître. Car c'est le Dieu et votre maître. Voilà pourquoi Bible na katala. Vous voyez comment la Bible a refusé. Et vous êtes tous sur le même plan comme des frères. C'est pourquoi j'aime ça. Je commande la peine d'ailleurs, écoute, il t'a fait. Vous êtes tous sur le même plan comme des frères. Et je trouve que la traduction pharaël est la meilleure. Dans les dénominations, Mazebu. Même dans les églises nicolaïtes, les faux évêques, les faux pasteurs, se croyaient être au-dessus de la parole de Dieu. Si tu es au-dessus de la parole, nous, on n'est pas au-dessus de la parole. Tu as eu l'année normalement. Non, frère. Pas un andouk. Oui, tu vois quand il est pensé, mon kichaye, tu as une âme, aïta kouyaka. Mettre ces pensées-là, non, ça. Les faux évêques, bah, évêque, bah, bon. Se croyaient être au-dessus de la parole. Donc, comment nous connaissons ma canissa? Vous voyez, des églises. Ça va pentecôtiste, dans ma église de réveil. Nous, dans la chimama, mon canissa, pas quand il y a la sema. Dans l'église. Miyengoi, mina autorisé, banamouke, banze kouboule, banze. Toutes les femmes à ta Bible à sema, même si la Bible est je ne permets pas à la femme d'enseigner moi je permets que le péché la tombe sur moi les ambi tu voyais non. Ça s'appelle blasphème il est banétan c'est maman Koufou on ne peut jamais faire ça quand est-ce que je ferai ça. Les dénominationnels, parce que ma canisse n'y a pas. Les églises leur appartiennent. Ni ma entreprise y a leurs entreprises, ma campagne. Ils dominent, ils règnent. Ce sont des propriétaires. Ni ba beny bitu beny kam canisse. Voyez bien mes frères. Non Nando. Dans les dénominations, les évêques sont au-dessus de la parole. Ils se croient au-dessus de la parole. Les évêques au yula, ça tient. Mais pour nous, quoi est touché? De l'église du Seigneur. Anissa Abouan. Il s'agit de gouverner. Il s'agit de gouverner. Kongoza. Par la parole de Dieu. De telle sorte que. Nana Kusema. Ça ne soit pas les hommes qui dirigent, mais que ça soit l'Esprit de Dieu. Car la parole et l'Esprit sont un. Voilà la différence. Vous voyez, frères et sœurs, dans Matthieu 23, Matayo, verset 10. Que nous venons de lire. Vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Et Pharaël nous dit clairement que vous êtes tous sur le même plan comme frère. Sur le même plan comme frère. Voilà ce que moi je crois. Dans ce que Jésus dit ici, dans Matthieu 23:8, il ne s'agit pas d'un problème d'appellation. Aina mambo ya kuitana hapa. Mais il s'agit d'un problème de grandeur. Mambo ya bundene wala bukubwa. Il s'agit d'un problème de niveau. Mambo ya kimo. Il s'agit d'un problème de valeur. Mambo ya bei. De la fraternité ya unduku et d'humilité na ya unyenyekevu. Que nous, en tant que fils de Dieu, nous devons avoir dans notre famille chrétienne. Il s'agit de qualité. Comme nous sommes une famille. Car, comme nous sommes une famille en Christ, nous avons la même valeur. Nous sommes au même niveau. Devant Dieu, notre Père en Christ. Et devant Dieu, il n'y a ni grand, il n'y a ni petit. Bien qu'il y a des grands, il y a des petits. Dis-le, pasteur, tu dis ça comment? C'est parce que mais Jésus a dit, celui qui veut être grand, mais qui s'abaisse. Celui qui veut être grand, il soit serviteur de tous. C'est-à-dire, celui qui s'humilie et celui qui sert les autres, il est grand. Mais sa grandeur lui pousse à s'humilier parce que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des choses visibles et invisibles, dans sa grandeur, il n'y a aucun homme grand comme Dieu. Il s'est humilié. Il est devenu l'esclave de tous. De telle manière, dans son humilité, on l'a traité comme des démons. Qui peut s'humilier comme Dieu? Et frère Banama a porté un message. Dieu révélé dans la simplicité. Vous voyez bien mes frères. La simplicité de Dieu. Ce qui amoure les gens. Il est tellement grand, il est tellement élevé, qu'il est capable de s'humilier d'une manière qu'aucun homme ne peut s'humilier. C'est pourquoi Dieu lui l'a élevé souverainement. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre, réchisse les genoux. Devant lui, à cause de son humilité. Bien mes frères, je n'ai jamais vu un problème d'appellation ici dans Matthieu 23:8. Il y a un problème de grandeur. C'est pourquoi vous voyez, Jésus dit, celui qui veut être grand, qu'il s'abaisse, qu'il soit serviteur de tous. Et devant Dieu, nous sommes tous les mêmes. Nous avons été rachetés au même prix. Il n'y a pas un prix pour les pasteurs, les ministres, les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes. Il n'existe pas. Chez Bote, il est dit au cola, il est dit à Jésus-Christ. Bien que nous avons les charges différentes, mais pour être un enfant de Dieu, c'est le seul sang qui nous a tous rachetés. Le seul sang qui nous a tous pardonnés. Pas de différence. Pas de petits, pas de grands. Dans notre famille, nous sommes seulement des frères et des sœurs. Pourquoi? Nous sommes appelés à nous servir les uns les autres dans l'humilité. Donc dans notre famille, on nous appelle tous à être humbles pour se servir. Quand quelqu'un n'est pas humble, il ne peut pas servir les autres. Il veut qu'on le serve. Mais notre royaume, ni yakutumikiana. Nous sommes là pour se servir. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Donc il n'y a pas là un problème d'appellation. C'est un problème de la position, du niveau, de la grandeur que nous avons en Christ. Vous êtes au même plan, au même niveau, comme des frères. Voyez frère. Voyez sœur. Il existe cinq choses que les dénominations ont récupéré chez les catholiques que la réforme n'a pas éliminé, n'a pas enlevé dans l'église, n'a pas banni. Je reprends cela. Notez cela, vous qui écrivez. Il y a cinq choses que toutes les dénominations ont récupérées de l'église catholique romaine que la réforme n'a pas éliminé, n'a pas enlevé, n'a pas banni. Voilà. Ce sont des dogmes. Les dogmes sont des faux enseignements qui n'existent pas dans la Bible, qui ont été ajoutés par les conducteurs religieux. Un dogme est un faux enseignement. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Mais que les chefs religieux, dans leur conférence, dans leur église, ont ajouté à la parole pour en faire une doctrine. Voilà un dogme. Et l'église catholique a ajouté beaucoup de choses pour les lecteurs de la Bible. Les il y a beaucoup de choses fausses depuis le conseil de Nicée en 325 que l'église catholique avait ajouté. Vous voyez. Mais parmi ces choses-là, il y a cinq que les églises protestantes et les dénominations ont récupérées. Quelles sont ces choses cinq? Un, c'est la Trinité. Notez cela. Vous voyez, je ne lis pas frère Banam. Et pourtant, tout ce que je dis ici, mot à mot, si ce n'est pas la citation de frère Banam, c'est une citation de frère Franck. C'est ce que je suis en train de prononcer. Vous voyez, parmi les cinq choses, notez cela, Wandiki. Il y a la doctrine sur la Trinité, donc la Trinité. Il y a l'hiérarchie. Kuko bouchefu, macheu. Panga macheu. C'est l'une des choses que les dénominations ont récupéré de l'église catholique. Troisièmement, il y a le baptême trinitaire. Le baptême trinitaire. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Quatrièmement, un seul saint. La sainteté est donnée à une seule personne. Quatrièmement, toute la sainteté est donnée à une seule personne. Les dénominations ont récupéré cela. Cinquièmement, les dénominations ont chassé le Saint-Esprit en rejetant sa conduite tout en dominant les laïcs après les avoir vaincus. Ils ont vaincu. Voyez frère, non. Parmi les cinq choses, un, que les dénominations ont récupérées, il y a la Trinité, il y a l'hiérarchie, il y a le baptême trinitaire, la sainteté donnée à un seul homme, et ils ont chassé le Saint-Esprit et la conduite du Saint-Esprit. Ce sont ces choses que les églises dénominationnelles ont récupérées. Voyez frère, vous voyez, sœur, ils ont récupéré cela. Dans la semence du serpent, la semence du serpent, au paragraphe 5, voyez, allez jusqu'au paragraphe 6 et continue. À la page 2, Frère Bana me dit, et ce matin, j'ai énoncé 5 choses. C'est-à-dire, par énoncer signifie exprimer par écrit. J'écris. Ou par parole. Donc, j'ai énoncé 5 choses que je crois des articles différents qui ont été introduits à cause des dénominations. Donc, il n'est absolument pas parlé dans la Bible auxquelles les églises protestantes se soumettent et qu'elles enseignent comme doctrine la même chose que la vieille mère prostituée. Vous voyez, et on se soumet à cette même chose qui est contraire à tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Vous voyez, frère? Vous voyez, sœur? Il y a 5 choses que les dénominations ont récupérées. Donc de l'église catholique qui ne sont pas dans la Bible. Il est habillé en Biblia. Voyez, frère, non, dans les dénominations Mazebu, ils ont des titres qui n'existent pas dans les pages de la Bible. Il est aikala kata makarta sa Biblia. L'église est avec moi. Kanisa tu pas moi. Dans les églises dénominationnelles, ils ont des titres qui n'existent pas dans les Saintes Écritures, qui n'ont jamais été nommés, même par le Seigneur Jésus-Christ. Ces titres qui ne sont pas consignés dans la Bible, c'est ce que Frère Branham appelle absurdité. Des non-sens. Quels sont les types de non-sens dans cette Bible? Il n'y a pas le terme pape. Il n'y a pas le terme pape. Il n'y a pas le terme surintendant diocésain. Diocésain. Il n'y a pas des archevêques. Il n'y a pas de cardinal. Vous voyez, les révérends. Ah, révérend. Le terme révérend chez les dénominationnels. Révérend. C'est un titre honorifique. Le pasteur. C'est un titre honorifique. Le diacre. C'est un titre. Il y a des sous-diacres. Il y a des sous-pasteurs. Il y a des pasteurs diacres. Ces choses-là sont les titres qui existent dans les dénominations. Abilandani Yetu. Dani Akalisa Yetu Abilamo. Il n'y a pas. Nous ne croyons pas ces bêtises. Vous voyez, présidente de ceci, présidente de la chorale, mama, présidente de la chorale, et femme conseillère, et mama mushauri, voyez, unaona, la présidente des veuves, présidente wa bayani, papa conseillère des veuves, baba et des veuves, shimamia bayani banambo, banaume banambo, mumazebu, dans les nominations. Comme on appelle révérend. C'est un titre. Pasteur révérend. Pasteur Moshimiwa. Le titre ingini. Non, pasteur. Pasteur. Pasteur. Pasteur. Pasteur diacre. Pasteur Shemash. Vous voyez? Non. Ni muntu mwingine. C'est aussi ancien. Ingini. Musée. Ni cheu ingini. Nao ni titre. Bile njo ma bile choses de non sens. Kobito ashipo akiri safi. Shipo mana. Voyez bien les mes frères. Non. Mais les charges que Dieu a données à son église, ce ne sont pas des choses de non-sens. Vous voyez, frère, Voyez, sœur. Regardez comment Frère Branham dit ces choses. Dans l'église Âge d'Éphèse. Écoutez comment Frère Branham parle. Âge d'Éphèse. 220. Donc prenez 210. Jusqu'à 212. 224. Jusqu'à 225. Dieu est l'organisation. Mungu matengenezo. Et c'est vrai. Maintenant, vous voyez exactement ce qu'ils allaient faire. Et vous voyez ce qu'ils ont fait. Regardez. Tout au long des âges de l'Église. S'ils ne font pas cela. Dieu est l'organisation. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Les loups de Paul. Les loups de Paul. Sont devenus des Nicolaïtes. Ils essayaient de créer une prêtrise semblable à la prêtrise lévitique. Ils essayaient de créer une prêtrise. Il est prêtrise. Prêtrise. Kikwani. Ils essayaient de créer une prêtrise semblable à la prêtrise lévitique qui était étrangère à la doctrine du Nouveau Testament. Amen. Le terme Nico, le terme grec Nico signifie vaincre, conquérir. Conquérir quoi? Les laïcs. Les peuples. Taïfa. Vous voyez? Non. Conquérir les laïcs. Watu. Le Saint-Esprit. Conquérir le Saint-Esprit. Ils enlèvent de l'église, je veux très bien. Ils enlèvent de l'église le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Ils enlèvent de l'église le Seigneur Jésus-Christ ressuscité et les signes et les prodiges parmi les croyants et ils mettent à la place un homme élu par un vote pour être un pape, un cardinal charnel ou un supérieur essayant d'enlever le Saint-Esprit au laïc et de le donner à un ordre appelé un saint d'ordre d'homme le plaçant au-dessus des laïcs. Vous voyez, non pas afin qu'on les appelle pasteurs, afin non pas apana. Voyez non. afin on les appelle pasteur, ce qui signifie berger, mais père. Voyez non. Jésus a dit n'appelez personne sur la terre votre père. Vous voyez non. Quand fois maintenant m'utilise. Matthieu 23, verset 9. C'est lui qui interprète cette écriture. Il prend la situation de Nicolaïte. Il dit quand ces gens sont venus, ils avaient la mission de vaincre le peuple et le Saint-Esprit, d'enlever l'autorité du Saint-Esprit et la conduite du Saint-Esprit sur l'église. Ils ont maintenant placé à la place du Saint-Esprit des hommes appelés saints, pape, cardinal, ainsi de suite. Voyez. Ils ont enlevé tout cela. Et dans l'église, ils ont enlevé les dons. Voyez. Et ils ont placé au-dessus des laïcs. Voyez. Au lieu de les appeler pasteurs, mais on les appelle pères. Et pourtant Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Voyez frère. Voyez sœur. C'est ce que frère Branham lui-même enseigne ici. Dans le paragraphe 24, verset 224-25. Pour aller un peu plus vite. Enlevez le Saint-Esprit. En tant que conducteur. Et leur donner un groupe d'hommes saints. Pour les placer au-dessus des laïcs, ne les appelant pas pasteur, berger, nous sommes censés être appelés pasteurs. Beaucoup de pasteurs, c'est au pluriel. Voyez, nous sommes censés être appelés pasteurs. Parce que le mot pasteur signifie berger. Mais, père, Baba, cardinal, archevêque, surintendant, les justes, agissez cela. Et Dieu leur donna son approbation en disant, j'ai cela moi aussi. Parce que c'est lui, Jésus, qui est le surintendant, l'archevêque, qui est le pape. Il œuvre dans chaque individu, non pas dans une organisation, mais avec les personnes. Voyez comment frère Branham interprète. Vous voyez, frère. Mais ces choses ici, qui ne se trouve pas dans la Bible, ce sont des histoires sataniques. Ça ne vient pas de Dieu. Voyez frère. Vous voyez sœur. Nous sommes maintenant au temps de la fin. Où toute la parole de Dieu a déjà été révélé par l'ouverture de cette sceau. Et même le messager du septième de l'Odyssée, par qui tout le mystère de la Bible devait être dévoilé, a déjà terminé sa mission divine que Dieu lui avait confiée et Dieu l'a déjà retiré de la scène. Il a déjà révélé tous les mystères cachés de toute la Bible. Il a déjà corrigé toutes les erreurs des réformateurs. Si aujourd'hui nous devons continuer à nous tirer sur des petites choses, il y a quelque chose d'anormal. Après le départ de Frère Branham, nous n'avons pas le droit de commencer de nouvelles doctrines qui créent de l'agitation parmi le peuple. Non, bien aimé frère. S'il y a quelque chose et Dieu voulait nous enseigner clairement, Jésus-Christ l'a donné à Abraham. Il n'y a pas le ministère. Il est encore révélé encore d'autres histoires dans la Bible. Non, il n'y a pas. Le prophète lui-même, par définition, est un révélateur de la parole écrite. Alors si nous croyons que Dieu a envoyé le prophète messager qui avait le niveau de Paul, qui avait le niveau de Moïse pour révéler l'Ancien et le Nouveau Testament, croyons aussi que dans cette Bible, le frère Branham n'a pas parlé. Voyez bien de mes frères. Sinon, il serait faux. Nous, les ministères. Nous, les ministres. Avec nos petits ministères. Nous n'avons pas à révéler des histoires. C'est pas notre ministère. C'est seulement prendre les messages, les lire, et coordonner les choses selon la Bible. C'est pourquoi ne faites jamais aujourd'hui de nouvelles doctrines, comme je le disais au début là, avec la déclaration, avec la déclaration, une seule déclaration de la Bible, même si c'est Jésus qui l'a fait, même si ce sont les apôtres, même si c'est les prophètes, n'en faites pas de doctrine. Et c'est même le conseil que Frère Franck donne. Il donne ses conseils ici et moi j'apprécie cela. Les personnes interrogent et Dieu répond par sa parole. Il dit ceci à la page 6. Dès le commencement, j'aimerais déclarer directement et clairement. Qu'il n'est pas permis de fonder une doctrine sur un seul passage biblique ou sur une seule déclaration faite par le Seigneur, par un apôtre ou par un prophète. Vous voyez, frère, c'est un devoir envers Dieu que toute chose soit fondée sur la parole de deux ou de trois témoins ou sur le témoignage de deux ou de trois passages bibliques. Deutéronome 19:15. Nous n'avons pas seulement un évangile, mais quatre évangiles qui se complètent l'un l'autre, affirmant et confirmant et complétant les informations. Vous dormez. Est-ce que vous écoutez ce que Frère Franck dit comme avertissement, comme déclaration? C'est un avertissement solennel. On ne doit pas faire des doctrines. Comme je le disais au début, là, Dieu a donné quatre évangiles. Comme on en somme à Kintu, si vous lisez quelque chose, il est déclaration, il est. Même déclaration. Wende au casson, même moi, évangile, ingine, on est qu'il est Yesu, n'a pas mis tout, mais c'est moi, il est membre. Tu auras la compréhension juste. Apprendre seulement, on avait battu, nani, déclaration, moya. Cette déclaration. Tu en fais une déclaration. Ça devient un cheval de bataille. Il est en quoi phase, y'a quoi combattre. Non, frère. Panando. Non, ma sœur. Panadada. Considérez toujours l'ensemble des Écritures. Les Écritures sont vraiment malléables, flexibles. Tu peux les interpréter comme tu veux. Tu peux tordre. Tu peux les tordre à volonté. Les Écritures ne sont pas compliquées. Mais nous devons savoir que Dieu nous jugera pour tout cela. Dieu a bien dit. Nous devons le savoir. Pour la page que yo. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit. Aina kwa bule Biblia asema hapa. Dans Proverbe chapitre 30. Mezali makumi tatu. Proverbe chapitre 30. Mezali makumi tatu. Manjiko yo hata unenyonga, ite ichika. Tu même si vous le tordez dans quel sens? Tu peux avoir tes propres pensées. Unaweza kuwa mawazo yako. Unaweka mu mapensee yako. Aiko problem. Tu penses là, il y a pas de problème. Proverbe 30. Mezali makumi tatu. Verset 5 à 6. 5 à 5 à 6. Toute la parole est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoutez rien. Kuma sauti yake. Aux paroles de Dieu. Bible na katala kongeza sauti ata moya kumi le Christ alisema. N'ajoutez rien à ces paroles. Voyez frère. Voyez sœur. Quand vous prenez psaume 119. La Bible dit quoi là-bas? Dans son verset 40, l'Écriture dit, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, l'Écriture ne supporte pas d'interprétation particulière. Dans Ecclésiaste, ce n'est pas pour rien que ces écritures sont là. Personne n'est appelé, n'est autorisé à faire des interprétations. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Vous voyez bien, mes frères, Mungu ashipende mundu ata moya ajouter pensée yake kumanjiko yake anakatala. Dans Deutéronome chapitre 12, dans son verset 32, il est dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes ces choses que je vous ordonne. Vous n'ajouterez rien et vous en retrancherez rien. Voyez frère, voyez ma soeur, quand vous lisez, notez cela parce que je n'aurai pas le temps de les lire. Lettre circulaire numéro 32, page 7. Sommaire du mai 2004, page 2, page 3. Prédication mensuelle. Krefeld. Samedi 4 juillet 2020. Page 7. Réunion mensuelle. Du dimanche 6 août 2017. Tout ce que je viens de dire. Frère Franck dit ceci. Franck je lis seulement un seul témoignage. Le reste, vous allez le lire. À la page 7, il dit ceci. Lettre circulaire 32. À la page 7, il dit ceci. Tous ont donné leur interprétation selon leur appréciation. Combien n'y a-t-il pas de nouvelles étranges doctrines en circulation? Ma fondation ngapi ile kumukujunguluka humu. Écoutez maintenant. toute doctrine mafundisho yote ya msingi qui ne se trouve pas yenye haipatikani écrite yenye kuandikwa noir sur blanc wazi wazi dans la Bible Biblia, ne vient pas de Dieu haitoki kwa Mungu. Celui qui la répand n'est pas envoyé par lui et celui qui la croit est trompé. Il y a un seul test, il y a une seule mesure divine. Il y a une seule mesure divine. C'est de tester, c'est de passer. C'est de passer par le test de la parole. C'est ce test de la parole que nous devons appliquer à tout ce qui est prêché et enseigné. Il est yote qu'on a fondé il est il n'a pas à couper toi doit passer à par le test de la parole. Voyez. Non. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc, ce n'est pas la vérité. Il a une aucune. Si c'est écrit noir sur blanc, mais seulement une seule écriture, une seule déclaration, abstenez-vous d'en faire une doctrine. L'église est avec moi. La déclaration n'est pas fausse. Si seulement une seule déclaration, elle n'est pas fausse. Mais en faire une déclaration, une doctrine, un cheval de bataille, non. Voyez frère, prédication mensuelle, Krefeld, samedi 4 juillet 2020, page 7, il dit ici, arrêtez de discuter, arrêtez d'interpréter, croyez une fois pour toutes, tel que c'est écrit, noir sur blanc, voyez frère. Non, Nanduku. Voyez sœur. Non, Nadada. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc, Kama ne le croyez pas. Chiamine. Si c'est écrit noir sur Kama blanc, wazi. Mais il y a seulement une seule déclaration, n'en faites pas une doctrine, kufanya, na laissez cela à la place. Voyez frère. Non, Nanduku. Considérez toujours l'ensemble des écritures. Mangare mandiko yoti. Maintenant, notez ceci. Mandike saï. Je vais terminer bientôt. Je vais peut-être achever d'autres pensées mardi. Écoutez-moi. Si Jésus-Christ avait ordonné à ses disciples de s'appeler frères, selon Matthieu 23, 8, nous voyons après son départ, les disciples, au lieu de s'appeler frères, et se sont appelés par leur nom, selon frère Franck, si c'est la vérité, que les disciples ont fait, ils se sont appelés par frère, Paul, frère, ainsi de suite. Ils auraient désobéi à l'ordre du Seigneur et à son commandement. Soyons conséquents. L'Église est avec moi. J'ai dit clairement ceci. Jésus. Ariamuru banafunzi banze kujita seme ntuku. Il avait autorisé aux disciples de s'appeler frère. Mais kufuatana na interprétation ya Biblia. Selon l'interprétation de la Bible. Ya frère Branham. Frère Branham. Na ma déclaration frère Franck. Déclaration de frère Franck. Ba disciple ba kanisa primitive. L'église primitive. Ba kwa be koneita seulement pa manjina yao. Appelé par leur nom. Maintenant, considérant cette déclaration-là, comme les disciples, Baridjita selon Mangina, ils sont appelés sur leur nom. Vous voyez, Baridjita selon Mangina, ils sont appelés par leur nom. Nabakujita seme Bunduku, ils ne sont pas appelés frères. Ils auraient désobéi. Parce que Jésus leur avait dit, appelez-vous frères. Mais se sont appelés Paul, Pierre, Jean, sans y ajouter frère. Clairement, ils ont désobéi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? Yes, on est bambi à Mouitane, Bandouk. Mais bon, Bananda, Bananda Kujita, Pamanjina Yago. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Pour l'interprétation de Frère Banan. Dans ma déclaration à Frère Franck. Et les déclarations de Frère Franck. Donc, les apôtres ont désobéi. Non, frère, ils n'ont pas désobéi. Ce que Jésus avait parlé ne concernait pas l'appellation. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. Ils se sont appelés père, ils se sont appelés et par leur nom. C'était une désobéissance. Vous voyez. Et pourtant, ils étaient conduits par le même Saint-Esprit. Jésus avait dit, allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et vous irez prêcher. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. Donc, dans Matthieu 23, verset 8, Jésus parlait du niveau. Il enseignait à son église l'humilité. Il ne voulait pas que chaque membre réclame sa grandeur, qu'il domine les autres. Non. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. La vérité pure de Dieu n'a pas besoin de menacer pour convaincre. Non. La vérité pure divine n'a pas besoin de menacer les gens pour convaincre. Pourquoi? La Bible dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. L'Écriture dit, car toute Écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre. C'est l'Écriture qui nous convainc. Pour corriger les erreurs. Instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi Frère Banam, ton messager, nous a donné des règles qu'on ne doit pas, rejeter. Nous devons toujours respecter ces trois règles. Vous voyez, ce conseil de Frère Banam. Un, n'est pas mal interpréter la parole. Deux, n'est pas placer la parole de Dieu. Trois, n'est pas disloquer la parole de Dieu. La parole de Dieu très mal. Parfois, si nous respectons ces trois règles, nous n'aurons pas de la confusion. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. Regardez ici. Permettez. Il y a la déclaration qui se trouve dans parole parlée et la semence originale. Il y avait un dénominationnel, un chef religieux dénominationnel qui voulait voir Frère Branham. Il était habillé bizarrement. Non, il était habillé bizarrement comme les dénominationnels pour montrer que c'est une autorité religieuse. Et quand on annonça à Frère Branham qu'il y avait quelqu'un d'une manière bizarre qui était dehors, parce qu'il disait toujours, je vais voir le docteur Branham. Je vais voir le docteur Branham. Il avait un grand chapeau. Il avait une grande croix. Vous voyez. Il est habillé là, il est un peu avec des bagues, des chapelets, il avait des chapelets comme vous voyez les démonstrations. Il voulait voir. Et Fobana me dit, faites-le entrer. Et là, ce monsieur-là s'approche de Fobana. Quand il s'est assis, il lui dit à Fobana, maintenant, tu veux que je te considère comme qui? On appelle ni ko ni sanani. Comme père, ça baba. Comme un révérend, ça va moshimiwa. Comme un ancien, voilà, ça va mzé. Parce que c'est ce qu'il était, c'est ce qui était dans sa tête. Ça me jobi tu de comme kichoaki. Le frère Banam lui dit, Banam kamujibu. Si vous m'aimez, comme on est nipenda. Appelez-moi frère. Oui, tenduku. Et comme lui, ce monsieur-là, respecté, c'est un dignitaire des églises. Il respectait Fobana. Alors, il a respecté cela. Il n'a pas dit, non, moi, je vais seulement t'appeler prophète ou pasteur. Non, non. Voilà, pasteur, Apan. Je vais t'appeler. Il a appelé frère. Donc. Ici, il n'y a pas de doctrine ici. Cette déclaration une doctrine. Vous voyez, frère. Appelle-moi frère. On était doku. Ce n'était pas une doctrine. Aïkoué m'a fondé chamsin. Je prends un peu ces quelques citations. Regardez dans l'influence. Mou maobili ou vuto. Du 12 janvier 1963. Le 12 janvier 1963. Dans son paragraphe 71. Mon paragraphe qui est 71. Remarquez. Fobana me dit, je remarque, il parlait avec les hommes d'affaires. Je remarque que dans vos rangs, vous les hommes d'affaires qui prennent l'évangile, vous faites venir Père Tel, presbytérien, Père Tel, Baba Fulani, un catholique, ou que sais-je encore, à propos de Père ici. Ce ne sont pas des pères. La Bible dit, n'appelez personne père sur cette terre. Ce sont des prédicateurs. Et je leur donne tout le respect qui leur est dû. Mais vous ne devez pas les appeler pères. Voyez comment Frère Banam dit. On avait dit Banam ancien. Il ne fait pas d'ajoute. À Shengeze. À Matthieu 23, verset 8. Au Matthieu, ma comme binata tout ça qui est mort. Il se limite à l'écriture. Et à la chimamia pandiko. Non, Dieu vit le marrant, moi t'as rien à quoi en amoule. Partout où il passait. Frère Banam, les a fait des remarques. Banam arrive à Fanyangalishu. Vous ne devez pas appeler quelqu'un père. Parce que je remarque dans vos milieux, vous dites toujours père tel, père tel, presbytérien catholique méthodiste. Mais vous ne devez pas le faire. Mais c'est la doctrine, vous ne pouvez pas abandonner cela. Vous voyez. Non. Regardez dans question-réponse. Question-réponse sur la Genèse. Julia Mwanzo. Page 23. Paragraphe 19. Jusqu'au paragraphe 20. Vous savez, parfois nous pensons que puisque nous sommes prédicateurs, pas vous et moi, ce n'est pas ce que j'ai dit, frère. Tu veux pas qu'il y ait citation. Pourquoi frère Branham a dû retirer une déclaration à quoi? Frère Branham s'est retiré dans la première déclaration. Frère Branham a dit, hein? Vous savez, on a joué. Parfois, nous pensons que puisque nous sommes des prédicateurs, déjà, frère Banam en a corrigé. Frère Banam a nyoloche. En a sema, pas vous et moi. Banam, moi et ami. Si nous tous ici, comment chez Botap, et frère Branham étaient dans cette déclaration. Pourquoi il s'arrête? Pour se retirer lui-même avec ceux qui, avec les autres avec lesquels il travaillait dans cette déclaration. Est-ce que vous me suivez bien? Dieu y a ni frère Branham, en éditant sa mouille déclaration, il y a Baoubiri, bien qu'on ait dû considérer à Kousema, ni Bantu Bakouboua, bien qu'on est important. Ils sont importants. Il dit, Apana, ouais, Nami, Aïna, il est nitpé à Kousema, frère. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit, mais les prédicateurs, dans la pensée de frère Branham, il parle des prédicateurs dénominationnels. Vous voyez, frère, c'est ce que je crois ici. C'est ce que je vois. Si je suis dans l'erreur, que Dieu me pardonne. Mais de tout mon cœur, je crois que les déclarations que Frère Branham me fait ici n'engagent pas les véritables croyants et les véritables serviteurs de Dieu. S'engage le prédicateur dénominationnel. C'est pourquoi lui-même s'est soustrait. Il dit, pas vous et moi. Ce n'est pas moi qui ai consigné ça. Il dit, mais, Lakini, le prédicateur, parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont plus grands que certains membres laïcs de l'église. Vous voyez? Nous, on ne pense pas cela. Nous ne croyons pas cela. Nous ne sommes pas considérés dans cette déclaration. Nous sommes des frères. Vous voyez bien, mes frères? Vous n'êtes, et frère Branham continue. Balé, qu'on a dû considérer, c'est ni va couvoir, n'a pas les banes, chaque dominé, canissa, ni va manger vous. Ce sont les dénominationnels. Job, balé, qu'on a ma titre, il y a mon Bible. Des titres Matthieu, qui ne sont pas dans la Bible. Vous voyez? Non. Vous n'êtes pas plus grand. Amna va couvoir. Et aux yeux de Dieu, vous n'êtes même pas plus grand qu'un ivrogne qui s'est converti il y a une heure. Vous voyez, il parle du salut. Moumamba et Kwangaria au Kovu, Akuna Moubiri, Akuna Prophète, Chebote, Dukobatoto, Yamungu. Les enfants de Dieu. Vous voyez bien, mes frères. Si tu n'as pas de coucher, maman, Batumishi. Chebote, Tuko, Batumishi, Amun. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous avons connu, Amen. Et toi, tu dis Amen. Tu es serviteur de Dieu. Toi qui prie. Tu es serviteur de Dieu. Il est caché, tout qu'on a foi pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Ayons des pensées équilibrées, justes. Vous voyez bien, mes frères. Vous voyez bien, mes soeurs. Donc, devant Dieu, pour ceux qui ont du salut, où l'anami n'a pas ça, vous voyez, en Azari Kamala Yapi, na où l'anami il y a 40 ans, Bele Yamungu, Beko Munivo Moya, Bote Nivatote Yamungu, vous voyez, ils ont la même valeur. Ata Munyumba Yako, même dans ta maison, Mutote Yako a 10 ans, ton enfant de 10 ans, Anana valeur, Moya Mukuboya qui a 20 ans. Ton fils de même si vous pouvez les traiter différemment, mais devant tes yeux, ils ont la même valeur. Vous voyez, et dans le paragraphe 20, c'est l'une des choses que la réforme, l'une des choses, c'est l'une des choses que la réforme n'a jamais épurée. Vous voyez? Vous voyez? Je sais que ma signature, je sais que dans ma signature, je mentionne révérend. C'est exact. C'est simplement quelque chose qui est lié à la coutume de nos jours. Mais cela ne devait pas être fait. Vous voyez? Non. Cela ne devait pas être fait. Parce que révérend a la connotation, vous voyez, d'un titre. Ça ne devait pas être fait. Révérend, évêque, docteur, et toutes les choses, et toutes ces choses sont des titres donnés par l'homme. Sont des titres et non pas des charges, des titres donnés par l'homme. Et ce sont des absurdités, des non-sens. Les non-sens sont des titres que les hommes ont donnés aux conducteurs des églises qui ne se trouvent pas dans la Bible. Il continue. Dans la Bible, c'était Pierre, Jacques, Jacobo, Paul, Paulo, Jean, Ioano, et tous les autres. C'est comme ça qu'ils s'appelaient dans la Bible. L'une des choses qui n'a pas été éliminée, c'est l'hiérarchie. Il est Kupangana comme Achéou. L'église est avec moi. Qui le fait maintenant mes connaissances? L'une là, qui est qui moi? C'est l'hiérarchie dans les églises. C'est pourquoi il invoque en bas les titres donnés par l'homme. C'est l'une des choses que les églises protestantes ont récupérées chez les catholiques. Ce n'est pas un problème d'appellation. C'est un problème de titre. Vous voyez, frère, dans le ministère est expliqué, il faut placer chaque chose à sa place. Paragraphe 38. Il dit ceci. Porte dans la, disons, le ministère expliqué, page 13, paragraphe 38. Probana me dit ceci. En parlant de l'Nicolaïte. C'est comme ça aujourd'hui. Nous flânons autour de l'église. Nous errons. C'est ça. On est en train d'errer, flâner, se promener autour de l'église. Le bon terme, nous flânons autour de l'église. Et nous disons chrétiens. Cependant, je me demande où est cette foi qui apporte la vertu? Voyez-vous, nous appelons révérend, docteur, évêque, ainsi de suite. Naïf, oh là là. Je me demande simplement ce que cela a à voir avec la foi. Il est haute, qu'on a manakani muimani. Saint-Père. Ah, mtakatifu baba. Ainsi de suite. Naïf, oh là là. Nous aimons des grands noms. Tu n'as pas de imagina biabinene. Et des grands titres. Namache ou yamukubwa. N'est-ce pas? Jovin. Jésus a dit. Yesu alisem. Vous êtes des frères. Vous voyez bien mes frères. Jésus n'a pas dit. Appelez-vous frères. Jésus-Christ a dit. Vous êtes au même niveau. Comme frères. Quand vous lisez l'écriture, elle ne concerne la déclaration. Elle ne concerne pas les frères responsables des églises locales dans le Seigneur, dans l'église de Jésus-Christ. Ce sont des citations dans lesquelles frère Branham a attaqué l'organisation des dénominations. Et pour moi, placer ça sur un pasteur qui craint le Seigneur, qui n'a pas cet esprit-là dans ce message, c'est une petite déviation. Dans une porte, Une porte dans une porte. Mahubiri mulango ndani ya mulango. Ainsi, paragraphe 9. Nous sommes reconnaissants pour cette occasion d'être ici avec Frère Tony. Je n'arrive pas à prononcer ce nom. C'est pourquoi je l'appelle simplement Frère Tony. Excuse-moi. On appelait. On appelait. C'est dans la Bible. On appelait Pierre. Et Paul. Paulo. C'est ainsi. Joy. Lui, c'est Tony. Yen Tony. Ainsi. Yves. Pour un, ainsi. Yves. J'ai dit toujours aux gens. Bien, il n'y a pas Yves Bat. Appelez-moi simplement Frère Bill. Vous n'êtes tout Ndugu Bill. J'aime ce nom. Bien, appelez Ndakaïli. Frère Bill. Ndugu Bill. Ou frère. Voilà Ndugu. De cette façon. Oui, Nana. C'est de cette façon. Pour être l'un de vous. Pour être un frère. Qu'est-ce que Frère Branham dit ici? Il montre d'abord comment dans la Bible les gens s'appellent. Il dit, moi aussi par humilité. Je désire que les gens m'appellent Frère Bill. Bill Nikashino Kake. C'est-à-dire. J'aime être appelé comme un frère. Pas comme un homme grand. Pas comme un homme élevé au milieu de vous. Pas comme un dominateur. Pas comme un chef. Que l'on craint. Non. Mais simplement un frère en Christ. Parmi ses frères. Malgré la responsabilité que j'ai. C'est comme ça que je comprends cette citation. Ce n'est pas un problème que c'est une doctrine. Non, frère. Non, ma soeur. Parce que si l'appeler révérend ou pasteur. Révérend ou pasteur, voilà, pasteur. Cela était un péché. Lui-même corrigerait cela. Lui-même interdirait aux gens de le faire. Mais il ne l'a jamais fait. On pouvait l'appeler. Révérend, il acceptait. Si vous avez cette citation, Frère Branham me dit, on l'a appelé Révérend Branham, ou pasteur, et il a dit, non, vous avez un esprit dénominationnel. Faites-moi porter cet esprit, cette déclaration. Il est Mosemo. Et j'ai beaucoup de citations. Où Frère Branham, on l'appelait, il ne disait rien. Vous voyez, quand vous lisez dans les voiles intérieures, il dit, au paragraphe 169, Frère Branham dit, je suis pasteur, un révérend, mais on m'appelle, ou mon nom, s'appelle Branham. Mon nom est Branham. Branham. On m'appelle Branham. Branham. Le frère n'est pas, non? Anduku, Anangina. Non. Apan. Vous voyez, frère. Non, Anduku. Branham, c'est ça le nom. Branham, Jojina. Frère n'est pas le nom. Anduku, Anangina. Ngoi, c'est ça le nom. Ngoi, Jojina. Chimanga, c'est ça le nom. Chimanga, Jojina. Kavuala, c'est ça le nom. Kavuala, Jojina. Marie, c'est ça le nom. Marie, mais frère n'est pas un nom. Lakini, Anduku, Anangina. Voyez bien, mes frères. C'est pourquoi nous ne condamnons pas cela. Appelez pour moi. Et c'est ce que je vous enseigne. Appelez tout le monde comme il le veut. S'il veut que tu l'appelles frère, appelez-le frère. Si vous voulez, s'il veut qu'on l'appelle pasteur, appelez-le pasteur. On ne doit pas faire une dénomination là-dessus. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Frère Franck a donné un conseil. Il y a deux fois. Il n'y a même pas de problème si c'est un problème. Si c'est un point. Un problème mambo devient un grand problème mambo si on veut en faire un problème. Mambo. Vous voulez que je vous lise cette citation? Je vous dis ça, c'est noir sur blanc. Si vous voulez, je vais la lire mardi. Mambo, un problème. Ni wepeke. C'est toi-même. Ou t'as kufanya mambo kiloko. Tu peux en faire un petit problème qui devient un grand problème. Ou t'as kufanya mambo munene. Un grand problème de rendre c'est devenu petit. Comment on fait qu'un problème ikwe munene? C'est lorsque on parle d'une chose et on fait des déclarations, on oublie ce qu'on doit faire. J'ai répondu à un homme de Dieu. Je lui avais dit ceci. Frère, on y touche, on y le mamba mabubishi. Du coup, au témoin dans votre histoire là des disputes. Tu ne me connais pas. A on y joue. Dani aneno la mungu. Dans la parole de Dieu. Moko bintu bia mingi bia kubiri. Il y a beaucoup de choses. Je chouezi kufana safari, tu n'en nous kubiri, pas qu'à Matthieu 23:8. Tu as kwenda kubiri Matthieu 23:8. Non, frère. Apana. Je ne le ferai pas. Je t'ai fait n'yaka vile. Bia kubiri biko bia mingi sana. Tu ya ku préparer l'épouse du Seigneur. Darisha bibi harusi wa Bwana. Et des choses importantes. Na bitu ya mafa kabisa. Je ne peux pas prendre seulement une opinion et en faire un cheval de bataille. Je disais à ces frères-là, je respecte la foi de tout homme de Dieu. Je respecte les opinions de tous les hommes de Dieu. Mais jamais, je ne peux jamais accepter quelque chose dont ma conscience me dit que ce n'est pas exactement juste. Je ne le ferai pas. Vous voyez, frère. Non, l'ando. Vous voyez, sœur. Donc, c'est comme ça. À la question du frère. Pour résumer, ma pensée. Allez réécouter encore ce qui a été dit. Pour que vous ne me posiez plus de questions à ce sujet. Kama mtu anakuambia hapana kunita bu pasteur. Usimuite bu pasteur. Ne lui appelez pas pasteur. Kama wewe unamuita bu pasteur. Si tu appelles pasteur. Kile kintomba ya chike. C'est que lui n'a pas. Na kisha ku déclarer. Après avoir te dit clairement. Vous commettez un acte d'impolitesse. Il est on atteint la somme que c'est faut adabu. Donnez la paix à tout le monde. Procurez la paix à tout le monde. Comme nous l'avons lu au début là, si quelqu'un veut, on l'appelle frère, appelez-le frère. S'il veut le révérend, appelez-le révérend. Tout le monde n'a pas la même foi. Ce que nous vous donnons ici, c'est la position du milieu, la position équilibrée. Vous ne péchez à rien de vivre selon ce que nous vous enseignons. Ne faites pas de problème à ce sujet. En appelant quelqu'un frère, vous ne péchez pas. En appelant pasteur, vous ne péchez pas. Vous ne brisez aucune écriture. Vous voyez. Non. C'est pourquoi vous m'avez dit, vous m'avez vu. Mouniona, pour réveiller votre esprit. Que si réellement, véritablement, Jésus avait ordonné aux disciples de s'appeler frère, et que l'on n'a pas fait, qu'ils se soient appelés par leur nom, alors les disciples avaient désobéi à leur Seigneur. Qui est obéissant comme Pierre? Donc, ne faites pas de problème là-dessus. Nous sommes tous au même niveau comme des frères en Christ. Parce que nous sommes nés dans la même famille par le moyen de la parole et de l'esprit de vérité. Donc, il n'y a pas un problème. Ouais, je viens avec mes livres. Je manque le temps pour les livres. Il y a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez les citations, il y a yote que vous avez entendu comme explication. Tout ce que je vous ai donné comme explication. Les citations sont là. Les versets sont là. Banam nous a conseillé. Banam a tshauria. Kama kitu kinaonekana sasa kia sasa, hapana kukimbia. Quelque chose semble être nouveau. Il faut affronter cela. Afin kuenda kukiona. Avec la parole. Ani na Mungu. Quand une chose semble être comme une nouvelle doctrine. Hapana kuikimbia, hapana kuisola. N'écrivez pas cela. C'est pourquoi? Je crois maintenant. Il est ma déclaration yote, nous en avons. Ces déclarations là tournaille. Mais nous discernons chaque chose. Tu as kukiweka parfois chiayo, mon conteste yayo. Dans le conteste qu'il faut. Vous voyez, mon homme, il n'y a pas un problème. À part la Panama. Regardez-moi ici. Appelez-moi Ngoï, il n'y a pas un problème. Il y a des gens qui m'appellent Frendaï. Il n'y a pas un problème. Michifanya qui m'aime. Appelez-moi Frengoï. Appelez-moi Frendaï. Il n'y a pas un problème. Même si vous m'appelez par mon nom, Ngoï, ça ne fait pas un problème. C'est la parole de Dieu. Si vous m'appelez Monsieur Ngoï, il n'y a pas un problème. Ni nani ule naisha kufanya kere nani nani naisha kufanya kaa nani remarka sema nani tabu frère. Tu m'as appelé frère. Vous voyez? Non. Kuko manjina ile ya kujitapa nayo. Il y a des noms, des surnoms. Déjà même qu'on les appelle. Bato apenda ba ita vie. Vous voyez? Non. Comment nani tabu par exemple Badia Kantu? Si vous m'appelez Badia Kantu. C'est mon nom. Ninjina. Personne ne va tourner. C'est mon nom. Ninji nangu. Il y a une signification. Nuna man. Et je vais me lever. Nantashi c'est mon nom. Ninji nangu. Mais si je disais, Kamana vous appelez frère. Nanta frère. Frère. J'appelle frère. Nanta nduku. Frère. Nduku. Oui, quand ils sont morts, frère. Dans cette église, il n'y a pas de frère. Sœur. Dada. Sœur. Dada. Chinoué, dada. Pourquoi vous ne répondez pas? Donc, frère, sœur n'est pas le nom. Nduku, dada, c'est une identification. Tambulisho. Tu as connu Chakusema. Congolais. Yakuba ita ba Congomani. Ça, ça, imagine quoi? Congolais, na quoi manjina yo? Congolais, c'est ça votre nom maintenant. Nous sommes frères parce que nous sommes de la même famille. Bandu kunju tu mujama moya. C'est-à-dire, je n'ai pas honte de m'identifier comme frère. Voilà, ça va nduku aijama. Ça ne demande pas, ça ne demande pas la révélation. Nous sommes des frères dans notre famille. Nous avons des noms. Et nous n'avons pas honte de nous identifier comme appartenant à notre famille de Christ. Vous voyez, frère. Ça va, il y a beaucoup de choses. Uzuri, peko bitu ya mia kusemeze ya pale. On s'arrête ici. Qui a compris? Nani anaelewa? Qui n'a pas compris? Aulize pas capa, aulize ulizo, pas capa truc. Celui qui n'a pas compris. Oule achelewe. Oule kilo le yulu. Lève ses mains sa main. Na a posé question. Et qui pose sa question? Amuna na question. Vous n'avez pas de question. Ça va? Amuna na question. Vous comme il n'y a pas de question, le problème est réglé. Merci frère, levons-nous pour la prière. Vendredi il y a Sainte-Seine. Vendredi pour mes abouanes. Vendredi il y a Sainte-Seine. Vendredi pour mes abouanes. Ce sont les frères Nibanduku qui viendront communier. Des frères et des sœurs qui viendront communier. Pas les frères du tabernacle, ce sont les frères en Christ, des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, ce n'est pas la communion n'est pas la vôtre. Prions. Merci Seigneur. Beaucoup de choses ont été dites. Accent est bon, hein?